Élodie, t'es partie de l'île Dieu à cause de moi. Élodie, t'es partie, je n'aurais pas dû mettre les doigts. Élodie, t'es partie, explique-moi, je ne comprends pas. Élodie, dans ma vie, tu sais bien qu'il n'y a rien que moi. Élodie, si l'envie te venait de revenir, Élodie, dans ton lit, je te promets 10 minutes de plaisir. Élodie, je t'en prie, comprends que je n'aime que moi. Élodie, vendredi, je suis déjà pris par Pamela. Je suis déjà pris par Pamela.